Gratiano. Par cette lune que voilà, je jure que vous me faites tort, Nerissa. Sur ma foi, je l'ai donnée au clerc du juge. Je voudrais que celui qui l'a fût eunuque, puisque vous prenez la chose si fort à cœur, mon amour. Portia, une querelle ? Ah, déjà ! De quoi s'agit-il ? Gratiano, d'un cercle d'or, d'une misérable bague qu'elle m'a donnée et dont la devise, s'adressant à tout le monde, comme la poésie du coutelier sur un couteau, disait « Aimez-moi et ne me quittez pas !» Nerissa, que parlez-vous de devise ou de valeur ? Quand je vous l'ai donnée, vous m'avez juré que vous la porteriez jusqu'à l'heure de votre mort et qu'elle ne vous quitterait pas, même dans la tombe. Sinon, pour moi, du moins, par des serments si pathétiques, vous auriez dû avoir plus d'égards et la conserver. Vous l'avez donnée au clerc du juge. Mais je suis bien sûr que ce clerc-là n'aura jamais de poil au menton. Il en aura, s'il peut devenir homme. Oui, si une femme peut devenir homme. Gratiano levant le bras. Par cette main levée, je l'ai donnée à un enfant, une espèce de gars, un méchant froluqué, pas plus haut que toi, le clerc du juge, un petit bavard qui me l'a demandé pour ses honoraires. En conscience, je ne pouvais la lui refuser. Portia, je dois être franche avec vous. Vous étiez à blâmer de vous séparer si légèrement du premier présent de votre femme. Un objet scellé à votre doigt, partant de serment, et rivé à votre chair par la foi jurée. J'ai donné une bague à mon bien-aimé, et je lui ai fait jurer de ne jamais s'en séparer. Le voici. Eh bien, j'ose jurer pour lui qu'il ne voudra pas la quitter ni l'ôter de son doigt pour tous les trésors que possède le monde. En vérité, Gratiano, vous donnez à votre femme un trop cruel grief. Si pareille chose m'arrivait, j'en deviendrais folle. Bassagne à part. Ma foi, ce que j'aurais de mieux à faire, ce serait de me couper la main gauche et de jurer que j'ai perdu la bague en la défendant. Gratiano, Monseigneur Bassagne a donné sa bague au juge qui l'a lui demandé et qui vraiment la méritait bien. Et c'est alors que le garçon, son clerc, qui avait eu la peine de faire les écritures, m'a demandé la mienne. Ni le serviteur ni le maître n'ont voulu accepter autre chose que nos deux bagues. Portia à Bassagne. Quelle bague avez-vous donnée, monseigneur ? Ce n'est pas celle, j'espère, que vous aviez reçue de moi. Si je pouvais ajouter le mensonge à la faute, je n'irais. Mais, vous voyez, la bague n'est plus à mon doigt, je ne l'ai plus. La foi n'est pas davantage dans votre cœur. Par le ciel, je n'entrerai jamais dans votre lit que je n'ai revu la bague. Nerissa Gratiano. Ni moi dans le vôtre, que je n'ai revu la mienne. Bassagne. Charmante Portia, si vous saviez à qui j'ai donné la bague, si vous saviez pour qui j'ai donné la bague, si vous pouviez concevoir pourquoi j'ai donné la bague, avec quelle répugnance j'ai abandonné la bague, lorsqu'on ne voulait accepter que la bague, vous calmeriez la vivacité de votre déplaisir. Portia. Si vous aviez connu la vertu de la bague, ou soupçonné la valeur de celle qui vous donna la bague, ou attaché votre honneur à garder la bague, vous ne vous seriez jamais séparé de la bague. Quel homme eût été assez déraisonnable s'il vous avait plu de la défendre avec un semblant de zèle pour réclamer, avec cette outrecuidance, un objet regardé comme sacré. Nerissa m'apprend ce que je dois penser, que je meurs si ce n'est pas une femme qui a la bague. Bassagne. Non, sur mon honneur, madame, sur ma vie, ce n'est point une femme, mais un docteur fort civil qui a refusé de moi 3000 ducats et m'a demandé cet anneau. J'ai commencé par lui refuser, et j'ai le laissé partir mécontent, lui qui avait sauvé la vie même de mon plus cher ami. Que pourrais-je dire, ma charmante dame ? Je me suis vu contraint de le lui envoyer. J'ai dû céder au remords et à la bienséance. Mon honneur n'a pu se laisser souiller par tant d'ingratitude. Pardonnez-moi, généreuse dame, car, par ces flambeaux bénis de la nuit, si vous aviez été là, je crois que vous m'eussiez demandé la bague pour la donner à ce digne docteur. Portia, ne laissez jamais ce docteur-là approcher de ma maison, puisqu'il a le joyau que j'aimais et que vous aviez juré de garder en souvenir de moi. Je veux être aussi libéral que vous. Je ne lui refuserai rien de ce qui m'appartient. Non, pas même mon corps, pas même le lit de mon mari. Ah, je me lierai avec lui, j'y suis bien décidé. Ne découchez pas une seule nuit, surveillez-moi, comme un Argus. Sinon, pour peu que vous me lissiez seul, sur mon honneur, que j'ai encore, moi, j'aurai ce docteur-là pour camarade de lit. Nerissa à Gratiano. Et moi, son clerc. Ainsi, prenez bien garde, au moment ou vous me laisserez à ma propre protection. » Gratiane, « Soit, faites comme vous voudrez. Seulement, que je ne le surprenne pas, car j'écraserai la plume du jeune clerc. » Antonio, « Et c'est moi qui suis le malheureux sujet de ces querelles. » Portia, Antonio, « Monsieur, ne vous affligez pas. Vous n'en êtes pas moins le bienvenu. » Bassagne, « Portia, pardonne-moi ce tort obligé. Et devant tous ces amis qui m'écoutent, je te jure par tes beaux yeux où je me vois. Remarquez bien ça. Il se voit double dans mes yeux, une fois dans chaque œil. Donnez votre parole d'homme double. Voilà un serment qui mérite crédit. Voyons, Portia, écoute-moi seulement. Pardonne cette faute. Et sur mon âme, je jure de ne jamais être coupable à ton égard d'un seul manque de foi. » Antonio à Portia. J'avais engagé mon corps pour les intérêts de votre mari. Et sans celui qui a maintenant la bague, il me serait arrivé malheur. J'ose répondre cette fois, sur la garantie de mon âme, que votre seigneur ne violera jamais volontairement sa foi. » Portia, détachant un anneau de son doigt et le tendant à Antonio. « Ainsi, vous serez sa caution. Donnez-lui cette bague et dites-lui de la garder mieux que l'autre. » Antonio, remettant l'anneau à Bassagne. « Tenez, seigneur Bassagne, jurez de garder cette bague. » « Par le ciel, c'est la même que j'ai donnée au docteur. »« Je l'ai eue de lui. Pardonnez-moi, Bassagne, pour cette bague. Le docteur a couché avec moi. » Nérissa. « Pardonnez-moi aussi, mon gentil Graciano. Ce méchant freluqué, vous savez, le clerc du docteur, a couché avec moi la nuit dernière, au prix de cette bague-ci. » Graciano. « Ah ça, répare-t-on les grandes routes en été, quand elles sont parfaitement bonnes. Quoi, nous serions cocus avant de l'avoir mérité. » Portia, ne parlez pas si grossièrement. Vous êtes tous ébahis. Eh bien, prenez cette lettre, lisez-la à loisir. Vous y découvrirez que Portia était le docteur en question et Nérissa, que voici, son clerc. Lorenzo, le gendre de Shylock, vous attestera que je suis parti d'ici aussitôt que vous et que je suis revenu il n'y a qu'un moment. Je ne suis pas même encore rentré chez moi. Antonio, vous êtes le bienvenu. J'ai pour vous des nouvelles meilleures que vous ne l'espérez. Décachez vite cette lettre. Vous y verrez que trois de vos navires viennent d'arriver au port richement chargés. Je ne vous apprendrai pas par quel étrange hasard j'ai trouvé cette lettre. » Elle remet un papier à Antonio. Antonio, je suis muet. Bassagne, comment? Vous étiez le docteur et je ne vous ai pas reconnu. Graciane, comment? Vous étiez le clerc qui doit me faire cocu. Nérissa, oui, mais le clerc qui ne le voudra jamais, qui ne soit devenu un homme. Bassagne à Portia, charmant docteur, vous serez mon camarade de lit, et quand je serai absent, vous coucherez avec ma femme. Antonio, charmante dame, vous m'avez rendu l'être et le bien-être, car j'apprends ici, comme chose certaine, que mes navires sont arrivés à bon port. Portia, comment va Lorenzo? Mon clerc a pour vous aussi des nouvelles réconfortantes. Nérissa, oui, et je lui donnerai sans rétribution. Remettant un papier à Lorenzo, voici pour vous et pour Jessica un acte formel par lequel le riche juif vous lègue tout ce qu'il possédera à sa mort. Lorenzo, belle dame, vous versez la manne sur le chemin des gens affamés. Portia, il est presque jour et pourtant, j'en suis sûr, vous n'êtes pas encore pleinement édifié sur ces événements. Rentrons donc, et alors, pressez-nous de questions. Nous répondrons à toutes fidèlement. Graciane, soit. Pour commencer l'interrogatoire, auquel ma Nérissa répondra sous serment, je lui demanderai ce qu'elle aime mieux. Rester sur pied jusqu'à la nuit prochaine, ou aller au lit de ce pas, 2 heures avant le jour. Pour moi, quand il serait jour, je souhaiterais les ténèbres afin d'aller me coucher avec le clerc du docteur. Du reste, tant que je vivrai, je mettrai ma sollicitude la plus tendre à garder scrupuleusement l'anneau de Nérissa.